in the morning, oh, then they spare me over in another year. Hey, what is this I see? Cold ice and hands all over me. He say I am death, no one can excel. I open the doors of death in hell. He cried, Lord, death. Now, oh, death in the morning, oh, death. Death spare me over in another year. No, you heard God, people. Sing and pray, you would not heed, you just walked away. You would not even bend your knee. Now you got to come and go with me. They cried, Lord, death. Now, death in the morning, oh, death. Just spare me over another year. Well, I'll fix your feet so you cannot walk. Fix your tongue where you cannot talk. Close your eyes and you cannot see. And you got to come and go with me. She cried, Lord, death. Now, oh, oh, death in the morning. Oh, oh, death. Death spare me over another year. Well, death consider my age. And do not take me in this day. Because all of my wealth is at your command. If you just remove your cold icy hand, you cry, no, no. Now, oh, death in the morning, no, oh, no. Lord, spare me over in another year. Poor mother standing by the bed. With an aching heart and a hung down head. And the doctor looked around very sad. Such the worst old case I ever had. He cried, Lord, death. Now, oh, oh, death in the morning. Oh, oh, death. Death spare me over in another year. He said, mother, I got feet and I can't walk. I got a tongue, mother, I can't talk. I got eyes and I can't see. Nothing but death got the shackles on me. Now, Lord, death. Now, oh, death in the morning. Oh, oh, death. They spare me over in another year. Poor me, as much as Dalia. E qui ormai era meglio, meglio, povera me. E come era va, e come era va. E chi me l'era pasquale mo. Povera me, compagna mia cara. E mo non tengo più nessuno, povera me. E chi me l'era dando, poi si sbaglia. E chi me l'era pasquale solo. A smorto Daniele. Ma era la compagna cara, cara, cara. Corda la mamma, chi il figlio, chi la busca al banmo. Povera me, sono la più povera, povera, povera. Come è da fare? Mi dì, madonna mia. E non mi potevo fare campambo caldo. Come è da fare? Come è da fare? E non mi potevo fare prima a me. Cargar me dove stai. E domani mi hai a mettere una fossa sembra che te. Una fossa veng, come gli fa, ma adesso sola, che quattro figli, come gli la fa, come gli la fa. Povera me, povera me, povera me. Oh. 사진까지 뜨거니 붙여놓고 보니 통서남북에 우리 성주님들을 모셔서 기둥으로 한번 모셔볼 것인데 사대 성주님들 한번 모시러 한번 가 보십시다. 전왕씨 시절에 난 전내다 단지근이 칠성예비 복보로 옥황님이 나 계셨네. 제왕씨 시절에는 제에다 단지은이 후토살령 무방토치 제왕님이 나 계셨네. 일왕씨 시절에 난 전오지도 상업하니 93 나 계시고 최성나부 나 계셨네. 유소씨 시절에는 손목이 외주와야 집 짓게 마련되니 성주대감 나 계셨네. 조예씨 시절에는 찬수가 생각하야 13부 나 계시고 최성나부 나 계셨네. 태우씨 시절에는 하도낙서 908예가 마련되니 팔대장신 나 계셨네. 마당에 벼락장신 굴뚝에 굴대장신 채우봉에 용초부인 춘초의 양의 참부의 속강을 죽신장대회문의 수문장 아투지 신병당신 사중의 팔신중의 입주상 대길창의 성주팔관이 제일이라. 원앙세 원앙세 원앙세 극락세계 36만 2500 동영동 대자 대비 금성열의 암이 다. 자오이 자 선의 육링상 자 고 더 우릭 럼 của chúng con không cha. Con không biết kêu ai và gọi ai lúc này nữa rồi cha ơi. Không cha như trời cao bể rộng, chúng con biết đến bao giờ quên được nữa cha ơi. Ôi ôi cha ơi. Đây trước linh sàng chúng con kêu ai gọi ai lúc này bằng cha kính thương. Ciao. Con gào, con kêu, con gọi, mà sao cha chẳng thương. Nỗi đau thương này cha thấu lòng chúng con không? Cha dưỡng dục sinh thành, cha nuôi dạy chúng con. Miếng ngon vật lạ lời khuyên lời dạy. Cha ơi, giờ đây chúng con được hiền vinh, con chưa đền đáp công cha được là bao. Nào ngờ đâu con tạo xoay vần, trước linh sàng giờ đây. Cha ơi, con trách con tạo ác nghiệt gây nên. Tình cha con như dòng nước chảy xuôi theo một ngã, bỗng nay nước rẽ làm đôi tình cha con tự giờ chia cách đôi nơi. Mémoire de mon ami Maurice Pilorge, dont le corps et le visage radieux hantent mes nuits sans sommeil. En esprit, je revis avec lui les 40 derniers jours qu'il passa, les chaînes aux pieds et parfois aux poignets, dans la cellule des condamnés à mort de la prison de Saint-Brieuc. Les journaux manquent d'à-propos. Ils conçurent d'imbéciles articles pour illustrer sa mort qui coïncidait avec l'entrée en fonction du bourreau des fourneaux. Commentant l'attitude de Maurice devant la mort, le journal L'Œuvre dit que cet enfant eût été digne d'un autre destin. Bref, on le ravala. Pour moi, qui l'ai connu, et qu'il ait aimé, je veux ici, le plus doucement possible, tendrement, affirmer qu'il fut digne, par la double et unique splendeur de son âme et de son corps, d'avoir le bénéfice d'une telle mort. Chaque matin, quand j'allais, grâce à la complicité d'un gardien ensorcelé par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d'Apollon, de ma cellule à la sienne pour lui porter quelques cigarettes. Levé tôt, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant. « Salut, Jeannot du matin !» Originaire du Puy-de-Dôme, il avait un peu l'accent d'Auvergne. Les jurés, offensés par tant de grâce, stupides, mais pourtant prestigieux dans leur rôle de parc, le condamnèrent à 20 ans de travaux forcés pour cambriolage de villa sur la côte. Et le lendemain, parce qu'il avait tué son amant Escudero pour lui voler moins de 1 000 francs. Cette même cour d'assises condamnait mon ami Maurice Pilorge à avoir la tête tranchée. Il fut exécuté le 17 mars 1939 à Saint-Brieuc. Jean Genet. Bajo la ventana, el rumor de la calle te lleva serenata. Bajo la ventana, el rumor de la calle te lleva serenata. Bajo la ventana, el rumor de la calle te lleva serenata. Bajo la ventana, el rumor de la calle te lleva serenata. Bajo la ventana, el rumor de la calle te lleva serenata. Bajo la ventana. le blanc se suit. Le rumor de la calle te lleva serenata bajo la ventana. C'est l'issue de tant de douleurs. J'ai des longueurs par notre œil vermeil. Ton cœur moite, vois la veille qui boite. Partage des malheurs, c'est de couleurs. T'arracheront des rires, carcasse de tes pires torpeurs. Des tirs sur tes peurs. Et pour remplir ton verre, nous irons chercher tes horizons. Des soirs de bonheur. Schwarz. Denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss schnell wie roter Mond ist sie für uns verblüht. Oh, und alles ist so schwarz und leer jetzt um mich her. Oh, sag mir doch, gibt es denn keinen Ausweg mehr? Oh, die Nacht ist schwarz und alles scheint um uns so. Sonne hoch am Himmel stehen und unsere Liebe, sie wird wieder neu erstehen. Oh, rot so wie Feuer wird sie wieder für uns blühen und hunderttausend rote Blumen werden blühen. Und schau, die rote Tür zum Glück, sie öffnet sich. Sie öffnet sich zum neuen Glück für dich und mich. Oh, sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz nur sehen? Oh, oh, oh. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique. Je suis un vieux cimetière, un vieux pick-up. Je suis une relique, je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis une relique, un vieux pick-up. Je suis un vieux cimetière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis comme une idole dans la lumière. J'entends les anges et crains les juges. Je suis un vieux pick-up. Je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis une relique, je suis un vieux pick-up. Je suis comme une vieille idole. Je m'élève dans un cimetière en feu. Je suis une relique, je suis une vieille idole. Je suis une zinole, je suis une idole. Je séduis, je suis. Je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis une crypte, je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis une crypte, un merveilleux cimetière. Je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis le dernier, je suis le dernier, je suis le dernier, je suis le dernier en m'envolant dans le ciel. Je suis le dernier en m'envolant dans le ciel. Je suis le dernier en m'envolant dans le ciel. Je suis le dernier saut de Nijinsky. Je suis une relique, un vieux cimetière, un vieux pick-up, un merveilleux cimetière. Je séduis la foule en m'envolant dans les airs. Je suis le porteur de lumière, l'archange Gabriel. Je suis une gravure de Durer, un vieux pick-up enfoui dans un merveilleux cimetière. Je suis la Porsche, je suis la Porsche. Je suis comme la Porsche de James Dean. Je suis une relique, comme une gravure de Durer, comme une idole dans la lumière, à moitié enterrée dans la crypte d'un vieux cimetière. Je suis la Porsche, je suis un vieux pick-up. Je suis comme la Porsche de James Dean. Je suis le dernier saut de James Dean. Je suis le dernier saut de James Dean. Je suis le dernier saut de James Dean. Je suis le dernier saut de Nijinsky. Je suis une relique, l'archange Gabriel. Je suis la Porsche de James Dean. Je suis un merveilleux cimetière. Je suis le porteur de lumière. Je suis la Porsche en flamme. Je suis la Porsche en flamme de James Dean. Un vieux pick-up, la Porsche en feu de James Dean. Je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis à la droite du père, à la droite du père. Je suis à la droite du père, à la droite du père, à la droite du père, à la droite du père. Je suis James Dean, à la droite du père. James Dean, à la droite du père. Je suis une merveilleuse relique, comme une vieille idole dans la lumière. Un terrible cimetière. Je suis en flamme, je suis James Dean. Je brûle et je brûlerai sans jamais me consumer. J'entends les anges et crains les juges. Je séduis la foule en m'envolant dans le ciel. Je suis une rosace en jachère. Je suis comme le souvenir de la lumière. Je suis une relique, une terrible lumière. Je suis une relique comme le souvenir de l'accent de ma grand-mère. Je suis un vieux cimetière, un vieux pick-up, comme une chapelle en ruine. Je suis un cimetière en flamme. Je suis un singe, je suis un singe, je suis un singe. Un singe en peluche à qui l'on prépare des martinis. Je suis un rosace, je suis une rosace, un singe. Je suis une rosace en jachère. Je suis comme le souvenir de la lumière. Je suis tuberculeuse, je suis lépreux. Je suis un vieux cimetière. Je suis tuberculeuse, je suis lépreux. Je suis comme le souvenir de l'accent de ma grand-mère. Et je suis couché, couché au creux de l'orage. Je suis tuberculeuse, je suis lépreux. Je suis un singe en peluche à qui l'on prépare des martinis. Je suis morte, morte inconnue. Morte, morte inconnue, puisque cloîtrée. Je me couvrirai du bruit de l'orage. Je suis un singe en peluche à qui l'on prépare des martinis. Je suis morte inconnue, un singe inconnu, puisque cloîtrée. Je me voyais religieuse, religieuse et voyageant, mystique coagulée. Je me couvrirai du bruit de l'orage. Je me voyais comme un vieux pick-up, comme l'archange Gabriel, comme la Porsche en flamme de James Dean. Je suis une chapelle en ruine. Je suis la Porsche en flamme de James Dean. Je suis un merveilleux cimetière. Je suis comme le souvenir de la lumière, comme le souvenir de l'accent de ma grand-mère. Je suis d'un autre âge, en creux et vespéral. Je suis de l'orée entre chien et loup. Je suis de l'orée. Je suis comme le souvenir de la lumière. Je suis en creux et vespéral. Je suis de l'orée. Je suis d'un autre âge, en creux et vespéral, entre chien et loup. Je suis d'un autre âge. Je suis une cité immémoriale. Je suis la Porsche en flamme de James Dean, comme une idole coagulée. Je suis comme une idole dans la lumière, comme une idole sur un bûcher. Je brûle sans jamais me consumer. Je suis une idole en flamme. Je suis une idole en flamme. Je suis de l'orée. Je suis coagulé en creux et vespéral. Je suis le Baphomet du portail principal. Je suis la branche de sureau auquel il s'est pendu. Je suis la croix de Salomon sur la poitrine de Nerval. Je suis les trois venus d'Orient. Je suis la barbe de Péladan. Je me voyais religieuse et voyageant, comme une terrible lumière, mystique coagulée, comme la Porsche en flamme de James Dean. Je brûle sans jamais me consumer. Je me manifeste sous forme de nuée. L'on m'a retrouvé à Nag Hammadi. Je suis le dernier saut de Nijinsky, le lit en flamme d'Eliphas Lévy. Je suis le château de Stanislas de Gaïta, la collerette de John Dee. Je suis un sigil en feu. Je suis un sigil en feu. Je suis un sigil en feu. Je suis un sigil en feu. Je suis une glossolalie. Je suis un sigil en feu. Je suis une glossolalie. Je suis une hostie sanglante et l'ambulance est morte dans mes bras. Je suis une hostie sanglante et l'ambulance est morte dans mes bras. Je suis une colline inspirée. Je brûle sur un bûcher. Je suis d'un autre âge et la forêt s'est égarée. Je suis comme une hostie sanglante. Je suis une rosace en jachère. Je suis le souvenir de la lumière. Je suis une colline inspirée. Je suis un alpiniste de Téléma. Je suis une colline inspirée, un alpiniste de Téléma. Je suis le livre de la loi. Je suis le regret de Judas. Je suis sur la branche de sureau sur laquelle il s'est pendu. Je suis le micro des petits chanteurs à la croix de bois. Je suis une glossolalie. Je suis Hermès Trismégiste. Je suis Hermès Trismégiste. Je suis Hermès Trismégiste. Je suis le chiffre qui fait loi. Je suis l'identité de Fulcanelli. Je suis le mystère des cathédrales. Je suis un Satori à Paris. Je suis un Satori à Paris. Les Porsches en flamme, la Porsche en flamme de James Dean. Je suis un Satori à Paris. Paris. Je suis comme le souvenir de la lumière. Je suis une rosace en jachère. Je suis le micro des petits chanteurs à la croix de bois. Je suis la bague en or au doigt d'Yvonne aimée de Malétroit. Je me voyais religieuse et voyageant, mystique coagulée. Religieuse et voyageant, mystique coagulée. Comme une photo en flamme de James Dean. Je suis un sigil en flamme. Je suis les regrets de Judas. Je suis la Porsche en flamme de James Dean. Comme le visage angélique d'Yvonne aimée de Malétroit. Je suis à l'ombre de l'œuvre noire, rosace en jachère. Je me voyais religieuse et voyageant, mystique coagulée. Comme la Porsche en flamme, en feu, en flamme de James Dean. Je brûle sans jamais me consumer. Je suis Hermès Trismégiste. Je suis le chiffre qui fait loi. Emmett est inscrit sur mon front et l'ambulance est morte dans mes bras. Comme la Porsche en flamme de James Dean. Je brûle sans jamais me consumer, ni le jardin de son éclat. Je suis les larmes de l'abbé Mouret. Je suis le corps qu'il chérit. Je suis un Satori à Paris. Je suis un merveilleux cimetière. Je suis un singe en peluche à qui l'on prépare des martinis. Je suis la Porsche en flamme de James Dean. Je regarde le film de Bresson, Mouchette. Je suis en train de regarder la scène où elle s'enveloppe dans un tissu et elle se laisse rouler plusieurs fois sur une petite pente. Elle roule plusieurs fois. Oh putain, elle tombe dans l'eau et on la voit même pas. On voit l'eau et on ne la voit plus. Je suis chez moi. Je prends deux lampes. Je m'assois au milieu sur un fauteuil. J'allume les deux lampes et je mets une musique. Et lentement, je mets mes mains sur chaque ampoule et je serre le tout jusqu'à ce qu'elle se brise. Je passe de l'autre côté. Depuis un an, je collecte les arêtes de poissons. J'ai mangé toutes sortes de poissons, des plus gros aux plus petits, pour avoir des arêtes de toute taille. Je suis en train de les planter une à une en moi. Pour l'instant, je fais la sculpture et je les plante toutes au plus profond, jusqu'à ce qu'elles rentrent totalement. Un poisson meurt en moi. Je meurs. Je rentre chez moi. Je vais dans chaque pièce et je décide d'aligner toutes mes affaires depuis la salle de bain, la chambre, le salon, le couloir. Je dispose toutes les affaires en queue-leu-leu jusqu'à la table de la cuisine. Je sors une assiette, un couteau et une fourchette et je commence à manger toutes mes affaires. Tranquillement. Toutes mes affaires passeront à travers moi et trépasseront avec moi. Et là, je reçois un coup de téléphone. « Allô, Catherine ? » Finalement, je t'appelle pour te dire que je t'aime. Je saute en l'air. Waouh ! C'était inespéré ! Je prends mon élan depuis le couloir et je saute à travers la grande fenêtre du salon. Magnifique. J'éclate en osmose parfaite avec 1000 morceaux de verre. Un vrai hommage à Francesca Woodman. J'atterris sur le trottoir. Je prends un énorme feutre noir et j'écris sur tout mon corps. Marchez sur moi, n'ayez crainte. Je veux sentir vos pieds. Je veux mourir piétiné par vous. Je suis un trottoir qui va quitter la vie. Je suis à Milan, dans la Villa d'Arcore, du cavaliere Silvio Berlusconi. On est le 2 novembre, le jour anniversaire de la mort de Pier Paolo Pasolini. Il vient de déclarer « Mieux vaut avoir la passion des belles femmes qu'être gay ». Je rentre dans la villa, je me dénude et je me suspends à l'envers à l'immense lustre. Je regarde des tas de gens entrer, passer par le hall. Je les regarde dans les yeux. J'attends. J'attends. Et au bout de 3 jours, je meurs. On détache mon corps. On amène mon corps dans un immense restaurant. Je passe de cuisine en cuisine. J'arrive sur une table. On me tranche. Un grand chef entre. Il me cuisine. Je disparais pour toujours. Je pars loin de tout ça. Je prends une voiture, je conduis, je sais pas conduire. Je m'arrête dans une grande forêt. Je sors. Je m'enfonce dans la forêt avec un seau de colle U. Je me dénude, je me mets de la colle sur tout le corps, des pieds jusqu'au bout des cheveux, et je viens embrasser un tronc d'arbre. Je reste là, la nuit tombe. Je suis tellement heureuse, la colle est si forte que je peux totalement me laisser aller. Les sensations contrastées se mélangent et s'effacent. Je rends l'âme. J'atterris sur une plage. Je vais à la pharmacie. J'achète 40 boîtes de somnifères. Les gens de la pharmacie sont trop contents. Je suis une super cliente. Je reviens sur la plage. J'avale tous les somnifères. Je m'endors. La marée monte. Et elle m'emporte avec elle. Loin de tout. Dans les mystères de l'océan. In my blooms and make death cut me down so soon. Oh, death, I must say. Oh, death, be easy. Oh, death, just spare me over another year. What is this that I can't see with cold icy hands all over me? Stretch my eyes and stretch my limbs. This is the way that death began. Oh, death, I must say. Oh, death, be easy. Oh, death, just spare me over another year. Oh, death, I must. I choose the chocolate fire and I will lavora tu e senti e con amus senti I be be be samurus di mishnena.

titre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Sur cette chanson, Patrick vient de me montrer, je n'en croyais pas mes yeux, l'image, une vidéo d'un enterrement d'une femme qui est enterrée avec cette chanson. Ouais, c'est quand même incroyable. Elle a demandé à être enterrée avec ça et je reçois tous les 15 jours des témoignages de gens qui ont l'humour suprême de dire on va être enterré avec cette chanson parce qu'on est au fond de la boîte et que ça fait... Mais je te jure, tous les 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson-là. Comme quoi, c'est... Bah, tu sais, au Mexique, les enterrements sont gays, oui. C'est tout en blanc, etc. Il y a des gens qui ont... Il n'y avait pas cette musique pour l'enterrement de la reine d'Angleterre, ouais, me semble-t-il. Sandrine. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré cette boîte, chante les et les nombreux accidents, notamment près de Chambéry où un car transportant des touristes russes s'est renversé sur une bretelle d'autoroute, bilan 20 morts dont 3 graves. Les hommes n'ont pas d'enfants, les enfants pareil que les femmes. C'est peut-être qu'ils n'ont pas la même chair ou que leur corps n'est pas pareil. Puis quand on met un petit bout de chair, mais ça ne se forme pas en bébé. Mais les médecins, quand ils opèrent, ils devraient trouver le petit bout de chair si tu dis que... Mais quand ils opèrent, c'est soit l'appendicite ici, mais le petit bout de chair peut être ici, ou peut-être pas ici. Moi, je connais des gens qui vont souvent à l'hôpital, mais ils n'ont pas d'enfants. Je sais, c'est peut-être qu'ils n'ont pas la chair pareille. Ils ont une autre chair que Marilyn. Elle a bien eu des piqûres, souvent, il y a longtemps, puis il n'a pas un bébé. Mais c'est parce que les docteurs empêchent d'avoir un bébé avant qu'on soit mariés. Puis il faut attendre un petit moment, puis on a un bébé après. Oui, mais il y en a qui ont des bébés avant d'être mariés. C'est peut-être que les docteurs ne peuvent pas les empêcher. d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui... comment le cœur se forme, puis le sang, qu'est-ce qui lui met tout ça dans le ventre, un enfant? Je sais, mais c'est le sang, c'est la mère qui lui donne, c'est son sang, qui lui donne, puis qui lui donne un tout petit peu de cœur, un tout petit bout, pour qu'il puisse vivre, puis pour que le cœur grandisse, mais elle, elle marche quand même, peut toujours battre son cœur. Oui, mais si, admettons, une mère a 10 enfants, alors il y a 10 bouts de cœur qui s'en vont, alors à force, elle n'aura plus de cœur, puis elle ne pourra pas en vivre. Non, mais je sais, mais quand il y a un petit bout de cœur parti, après le cœur, le petit bout, il peut repousser à toute vitesse comme ça. Les aliments se transforment peut-être en... Tous les jours, il fait une tête, une jambe, un bras, ça dépend. Et à chaque fois qu'on mange un petit bout de quelque chose. Maman, elle mange beaucoup, beaucoup, mais elle n'a pas toujours des enfants aussi. À la fin de l'année, tu en aurais des petits gosses, hein? Moi qui se trouve, le petit bébé, il est pas dans le ventre à courir partout. Il faut bien qu'il soit dans... Non, mais il est près du cœur, il bouge pas, il attend qu'il soit formé, puis après, ben, quand il est formé, il attend peut-être un petit moment pour sortir, puis après il sort. Il n'y a pas d'air pour un enfant qui vit dans le ventre d'une maman. Quand la maman aspire de l'air, ben, elle va dans le corps du petit bébé aussi. Pour faire pousser les plantes, ben, il faut une graine. Aux êtres humains, c'est peut-être pareil. Alors, on met une graine par la bouche, puis elle l'avale, puis comme ça, ça fait un petit bébé. Mais où que la graine va? Au poumon, au cœur? Il faut un homme avec la femme. Alors, c'est peut-être l'homme, en baisant la femme, je sais pas moi, que c'est lui qui lui donne la graine, peut-être. Il la bise sur les lèvres, puis après, il y a une petite graine qui est dans sa bouche, puis quand il ouvre la bouche, ben, ça va sur sa langue, puis ça... Je peux te dire que si tout le monde embrassait un garçon puis une fille sur les lèvres, je crois bien qu'il y en aurait des enfants. Hein. T'as peut-être raison, Nelly, parce que ma sœur a bien embrassé un garçon sur les lèvres, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Mais la vache, elle bise pas sur les lèvres le taureau. On a peut-être une graine dans la bouche, les garçons, qu'à partir de quand on est marié. Oui, mais la graine, comment qu'elle sait qu'on est marié? Quand on se marie, c'est qu'on s'habille en blanc, s'habille plus beau que les jours, le jour. Alors comment que la graine le sait? Bon, on n'est pas obligé de se marier pour avoir un enfant, ça, c'est pas vrai. Oui, mais moi, j'avais dit que... Qu'il fallait être marié pour avoir une graine, mais le veau, mais comment qu'il se marie? Puis qu'est-ce qui lui donne la graine s'il se marie? Chez nous, beaucoup de gens viennent conduire leur mère cochon pour que le père cochon monte dessus. Alors à quoi que ça sert? Bah, avoir des petits. C'est peut-être vrai, pourquoi chez nous, des fois, maman m'a dit que le coq. Quand il monte sur la poule et il reste un moment, ça veut dire que la poule va pondre un œuf. Bon, ben alors le taureau, c'est pareil. Bah, c'est lui, pour l'être humain, ce serait peut-être pareil comme Marlène dit, là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont demandé à vos parents comment vous êtes nés, enfin... Moi, des fois, je le demande, mais maman ne me répond pas souvent. Parfois, il y a des parents qu'on leur demande comment on est né, puis ils ne veulent pas répondre. Moi, je trouve que c'est idiot, parce qu'après, quand on aura des enfants, on ne saura pas comment il est venu. Moi, je crois qu'ils ne veulent pas nous répondre, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache ce secret. Enfin, ben, ce secret, mais enfin, je sais pas, ils ne veulent pas qu'on sache comment on est né. Moi, je voudrais le savoir. Moi aussi. Pourquoi vous voudriez le savoir? Il faut bien savoir comment qu'on est né pour savoir comment on est commencé. C'est quand même, c'est quelque chose de personnel en soi, je peux m'en dire. Mais plus tard, quand vous aurez des enfants, est-ce que vous le direz? Oui, moi je le dirai. Moi j'attendrai avant de dire qu'il me pose la question. Oui, mais s'il y en a qui sont pas curieux, alors ils ne le sauront jamais. Puis même s'ils ont des petits bébés, ils diront...